Bonjour amis auditrices et auditeurs, merci de choisir notre compagnie en écoutant CHO, nous émettons d'Ottawa à modulation de fréquence 81,1 MHz, à l'internet à l'adresse www.chou.fm. Vous pouvez capter également CHO par câble digital. Nous sommes sur la chaîne de télévision 943 du câbleau distributeur Rogers. 7h02 dans nos studios, j'espère que vous me serez indulgent, tout simplement parce que je suis habitué à être en onde à partir de 8h. Et aujourd'hui, c'est Afrique Plus avec Bruno et Mike. Et Mike Mchaila, nous vous disons merci et bienvenue chez nous en Afrique, amis auditrices et auditeurs. Mmh. 7h04 dans nos studios. Pour vous qui venez de vous réveiller ou encore qui venez de vous joindre à nous, sachez que vous êtes à l'écoute de CHO dans Afrique Plus. Afrique Plus, le rendez-vous hebdomadaire avec l'Afrique. N'est-ce pas, Bruno? Oui. Comme on le sait, l'actualité abonde vraiment sur le continent. Ce ne sont pas des sujets à traiter qui y font ainsi défaut. Amis auditrices et auditeurs, dans quelques instants, nous allons faire le tour du continent africain pour vous mettre au parfum de ce qui se passe effectivement sur le continent africain au sujet de l'actualité. Collection. Danser, danser, yeah. Hélas, ton rythme est descend, Fatomas. Musique du Cameroun, donc, nous vibrons. Amis auditrices et auditeurs, 7h10 minutes dans nos studios, 14h, disons 13h10 minutes à Yaoundé et partout au Cameroun. Dans quelques instants, nous allons vous mettre au parfum de l'actualité sur le continent africain juste après cette chanson. Et nous vous rappelons que nous sommes accessibles pour nous joindre en studio. Il suffit de composer le 613-562-59-67. Une fois encore, 613-562-59-67. C'est le numéro composé pour nous joindre en studio dans Afrique Plus. Disons 7h12 minutes dans nos studios. Bruno, qu'est-ce que nos auditrices et auditeurs doivent retenir au sujet de l'actualité sur le continent africain? Comme tout le monde le sait et comme vous le savez sans doute, Mike, cette semaine, donc, il y avait le lancement de Pékin, les Jeux Olympiques. Donc, tous à Pékin. Ça, c'est dans le potentiel de Kinshasa, où donc on invite tout le monde à également participer aux événements donc qui vont se produire et qui ont déjà commencé. Donc la cérémonie d'ouverture, c'était hier. Donc après ça, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à la Mauritanie, donc gâchis également, et les journaux donc cette semaine en Afrique ont accordé une large place à la situation donc dans ce pays. Plusieurs reportages, dont notamment celui de l'envoyé spécial du Soleil de Dakar, où donc il y a eu un coup d'État au Niger. Ah non, pardon, en Mauritanie. En Mauritanie, oui, en Mauritanie. Coup d'État en Mauritanie, coup d'État déjoué en Guinée-Bissau. Oui, depuis hier soir, en fait, donc, bah, ça c'est ce qu'on disait dans le Soleil de Dakar au moment où ça s'est déroulé. Donc, Nouakchott donne l'impression de n'avoir enregistré aucun changement majeur, en fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Il n'y a aucun changement. Ça donne l'impression de, comme j'ai eu à le parcourir aussi dans la presse africaine, toujours on parle d'un recul de plus de 20 ans pour la Mauritanie, qu'on présentait pourtant comme un exemple émulatif dans l'Afrique occidentale arabe, comme on l'a dit. Une petite réflexion avant de passer à la suite. Donc, la démocratie n'est pas une fin en soi. À quoi sert la démocratie si le peuple a faim? Est-ce que les militaires vont redresser la situation et redonner le pouvoir aux civils? Wait and see. Barrage et polémique. La polémique enfle toujours sur au Congo, en Congo RDC, parce qu'il y a un projet de barrage, en fait. C'est, vous connaissez le barrage de Inga. Effectivement, il y a le projet de construire... je dirais c'est la troisième phase du barrage d'Inga qui aurait la capacité d'alimenter plus de la moitié du continent africain, oui. Donc, c'est-à-dire que Inga, donc il y a déjà les deux premiers projets qui existent. Et là, on veut construire un grand Inga, puisque Inga, c'est dans les années 70 que ça avait été construit. Tout à sauf fait. Que ça n'a jamais été utilisé à 100% de son potentiel. Donc, c'est un très grand gâchis. C'était à l'époque ce qu'on peut appeler comme un éléphant blanc, c'est-à-dire un véritable gouffre financier. Des milliards ont été injectés et finalement, on a un barrage qui ne fonctionne pas. Et là, on voudrait mettre un grand barrage en place avec une capacité phénoménale qui, d'ici 2010, pour le début donc, de la construction, pourrait alimenter soi-disant 500 millions de personnes, donc plus de la moitié de l'Afrique, avec des lignes à haute tension qui sont prévues vers l'Égypte, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud. Et selon le Conseil mondial de l'énergie, le grand Inga sera un garant de l'indépendance économique, de la paix et de la prospérité en Afrique. Les bailleurs de fonds sont en train de se mobiliser. Espérons que tout va bien se dérouler. Mais les organisations non gouvernementales ne l'entendent pas de cette oreille. Ils s'opposent à cette initiative dans la plupart des cas, voyant des mauvais œil le fait que les deux phases ou encore les deux étapes de ces barrages d'Inga n'ont pas pu bénéficier effectivement au peuple congolais, comme on l'a dit. C'est la situation en Afrique, Bruno. Pour en revenir à Pékin, donc on a 10 chefs d'État africains qui étaient déjà là-bas avant le début des JO. Donc on a eu pour la RD Congo, Joseph Kabila. Ensuite, on a eu le Mozambicain Emilio Guebuza, l'Angolais Dos Santos, le Ghanéen Kufuor, le Burundais Nkurunziza, ainsi que le Mauricien Juno Arenrud. En fait, le premier à être arrivé, sur le sol chinois en tant que chef d'État africain, c'est Amadou Toumani Touré. Ensuite, bien sûr, on a eu toute la clique des super dictateurs, comme on les appelle, donc Bongo Ondimba et bien sûr les autres, que ce n'est pas nécessaire de nommer. La question la plus épineuse par rapport à Bakassi, vous connaissez cette péninsule? L'enjeu du duel entre le Cameroun et le Nigeria, Bakassi, pour la petite histoire qui a été, disons, attribué au Cameroun par la Cour internationale de justice en 2002, mais le transfert de cette presqu'île d'environ 1000 km² qu'on dit riche en poissons et produits pétroliers pose toujours beaucoup, beaucoup de problèmes du côté Nigeria. Il y a une semaine, la Cour fédérale d'Abuja a demandé aux autorités camerounaises et nigériennes de mettre le pied sur le frein dans le processus de rétrocession de la presqu'île de Bakassi au Cameroun par le Nigeria. Donc les accords de Green Tree du 12 juin 2006 à New York entre Obasanjo et Biya, donc c'est comme un cadre pratique qui formulait donc la façon dont la rétrocession devait se faire. Oh, et oui. Donc là, le 14 août arrive la période où les derniers policiers du Nigeria doivent se retirer de cette péninsule et où le Cameroun doit être donc en mesure d'apporter tout à tous les citoyens de cette petite péninsule problématique pour l'instant. Espérons que tout va s'arranger. Donc. Mais du côté du pouvoir nigérian, le président Oumarou Yar'Adua a dernièrement exprimé sa détermination de se conformer à l'arrêt de la Cour pénale internationale, comme on l'a dit, les threatened si. On verra. Autre chose, donc par rapport à la Mauritanie, dernière nouvelle, c'est-à-dire que le président dont on ne savait pas vraiment où il a été transféré, avec les autres détenus qui avaient disparu, donc c'est-à-dire le premier ministre, enfin l'ancien premier ministre, Yahya Oul Ahmed Waghef, l'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Oulrer Zezim, l'ancien directeur général de l'Agence nationale d'accueil des réfugiés, Moussa Fall, ainsi qu'un ancien ministre, donc Ould Sidi Baba. En fait, ils ont été transférés vers le même lieu, c'est-à-dire vers le palais des congrès, qui est un énorme complexe comprenant de fastueuses villas de passage destinées à la résidence des hôtes de marque du pays. Donc, ils sont sous strict contrôle de la garde présidentielle, mais apparemment, ils se trouveraient dans cet espace plutôt confortable. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais développer un peu plus, c'est ce qui s'est passé au Rwanda, avec la présentation du rapport qui accable la France. Une fois de plus, des éléments sont apportés, pas uniquement des témoignages comme voudraient nous le faire croire certaines presses qu'on va pas nommer ici parce que c'est pas nécessaire de donner de l'eau à moudre au moulin de ceux qui font de la falsification historique. Dans le rapport qui a été remis, donc, pas moins de 13 hauts responsables politiques ou administratifs, ainsi qu'une vingtaine de militaires ont été mis nommément en cause, notamment pour les plus connus d'entre eux, François Mitterrand, à titre posthume, bien sûr, s'il y avait possibilité de poursuite, donc ancien président de la République, Édouard Balladur, qui était à l'époque Premier ministre, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères à l'époque et qui tente de revenir. Peut-être qu'il faudrait voir là un coup de certains services, mais... Et c'est lui qui était son directeur de cabinet à l'époque, un certain Dominique de Villepin. Ensuite, donc, bien sûr, Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'IDSEE, qui quelques années plus tard va devenir ce qu'on a vu, et puis les autres également. Donc, est-ce que la France est coupable ou elle n'est pas coupable, Mike? Amis auditrices et auditeurs, vous pouvez composer les 613 562 59 67 pour nous dire ce que vous pensez de cette évolution des relations entre le Rwanda et la France, puisque le rapport rwandais nomme clairement de façon explicite la France comme ayant assisté aux préparatifs et à l'exécution de ces génocides qui a ensanglanté ou encore endeuillé ces pays et par là toute l'Afrique en 1994. Oui. Et rappelons que lorsque Turquoise a été mise en place, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, ça a permis d'exfiltrer des responsables génocidaires. Merci. Congo-Brazza, la France, par le biais de l'Agence française de développement et le groupe de recherche et d'échange technologique, en fait, qu'on appelle le GRET, G-R-E-T, va financer pour 200 millions de francs CFA un programme de micro-projets communaux et associatifs destinés à améliorer les conditions de vie des populations à Brazzaville. Le premier financement français qui est destiné à Mfilou et Talangaï, deux arrondissements de la capitale congolaise, où seront réalisés de micro-projets, notamment dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de l'éducation. Donc, en fait, on va construire des bornes fontaines, on va réhabiliter des centres de santé, des écoles, on va faire de l'assainissement. Attendons pour voir si donc l'ambassadeur de France au Congo, Nicolas Normand, ainsi que le directeur de l'AFD, Xavier Blanchard, et le responsable du GRET, donc Ray Ganzounou, vont mettre en place ce qu'ils disent avec les fonds qui sont destinés à cela. Banque mondiale toujours et encore, Douala, Cameroun. Donc, on vient d'accorder en fait 3,5 milliards de francs CFA au Cameroun pour l'électrification dans les zones rurales. C'est ce que nous annonce en fait l'agence de presse africaine ce vendredi. Lomé, je voulais parler de ça, Mike, avant qu'on poursuive. C'est-à-dire qu'il y a des inondations dans ce pays depuis pas mal de temps. Et les dégâts deviennent de plus en plus énormes. Oui, c'est vrai, Bruno. Oui, c'est assez catastrophique, en fait, ce qui se passe. Et donc, par rapport à ces inondations, les députés togolais ont décidé de faire un geste. Donc, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que chaque député apporterait au minimum une contribution de 100 000 francs CFA pour permettre donc de récolter des fonds pour protéger et apporter de l'aide aux sinistrés. Donc si chaque député apporte effectivement la somme demandée, c'est à peu près 8 millions de francs CFA qui seront ainsi collectés. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un geste en soi. Harare au Zimbabwe, notre ami Mugabe, Mike, vous avez un commentaire avant. Et les négociations qui se poursuivent à Pretoria, les uns traitaient Thabo Mbeki de complice de Mugabe, les autres le vilipendaient au sujet de la situation du Zimbabwe, tout simplement parce que l'Occident, de façon générale, avec sa pire politique de sanctions, a tellement sanctionné Mugabe et qu'il n'avait plus rien à lui dire. Et on a tout mis sur les épaules de Thabo Mbeki. Apparemment, les négociations évoluent très bien et Thabo Mbeki est aujourd'hui à Harare pour le sprint final de dites négociations, selon la presse sud-africaine. Et Mugabe, qui aime bien qu'on parle quand même de lui, même si c'est pas forcément en bien, voudrait rappeler qu'il n'est pas au courant d'un accord ou d'une réunion avec son adversaire de longue date pour peaufiner les derniers arrangements, même si tout le monde sait que, apparemment, accord a été trouvé. Mais son porte-parole, Georges Tcharamba, a indiqué à la presse que les négociations se poursuivaient. Effectivement, l'accord comme tel n'était pas encore mis sur pied et que le monde entier le saura dès que tout sera disponible. Tout sera prêt pour dire lorsque les négociations arriveront à terme. Également en Afrique du Sud, donc depuis Johannesburg, cette semaine, il y a une information très importante concernant le futur, le futur, le futur président Jacob Zuma. Et donc ses partisans commencent à faire pas mal de menaces en fait aux juridictions, là, au système judiciaire, c'est-à-dire que monsieur Zuma est accusé de corruption dans l'affaire de vente d'armes. Et bien sûr, dans les années 90, et bien sûr, le pays qui aurait fait ses traites avec l'Afrique du Sud, c'est la France. C'est la compagnie française Thales, comme on l'a dit. Mais de toute façon, pour les auditrices et auditeurs, ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est suite à cette affaire que Thabo Mbeki a remercié Jacob Zuma, qui était alors son vice-président. Et le conseiller financier de Jacob Zuma a été inculpé et condamné. Il se trouverait présentement en prison. En tout cas, espérons que sereinement la justice pourra prendre une décision par rapport à cette affaire. Bangui, Centrafrique, pour finir. Donc, l'Armée populaire pour la restauration de la démocratie a accusé vendredi le gouvernement centrafricain d'avoir provoqué des accrochages dans la sous-préfecture de Ngaoundaé, une zone contrôlée en fait par les rebelles donc, de l'APRD. Et le porte-parole de ce mouvement rebelle, le colonel Laurent Jim Wei, indique donc que les accrochages sont notamment le fait donc de l'armée centrafricaine, donc les forces armées centrafricaines, qu'on appelle FACA, F-A-C-A, alors que donc les rebelles ont enregistré de nombreuses pertes, notamment matérielles. Donc ce n'est pas la première fois qu'apparemment les FACA provoquent la PRD. Donc attendons de voir ce que les événements vont apporter de nouveau. Et à la dernière nouvelle au sujet de la République centrafricaine, le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans ces pays en a appelé au doyen des chefs d'État africains, entendez par là, Omar Bongo Ondimba, pour qu'il intervienne afin de colmater la brèche dans cette énième crise politico-militaire qui secoue la République centrafricaine. Africa, won't you be free? Africa, oh Africa, Africa, won't you be free? I say, oh mama, Africa, Africa, Africa, won't you be free? I know the system is a plot against my people, but if Jah be for us, nobody can be against us. If Jah is for my people, I don't know who can try to be my enemy. My Africa wants to be free. Africa, ooh. Africa, oh. Africa wants to be free. I say, oh mama, mama Africa, oh mama, Africa wants to be free. Oh mama, Africa, oh mama, Africa, my mama, Africa wants to be free. I say, oh mama, oh mama, mama Africa, Africa want to be free. Yes, I know the system is a plot against my people, but it can be for us, nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can try to be my enemy. My Africa wants to be free. Africa, ooh. Africa, Africa wants to be free. I say, oh mama, mama Africa, oh mama, Africa wants to be free. Look my mama, Africa, oh mama, Africa, oh mama, Africa wants to be free. I say, oh mama, oh mama, mama Africa, Africa, Africa wants to be free. Like a lion in the jungle, Africa wants to be free. Like a bird in the sky. If you don't know, you got to know. If you don't know, you got to know. If you don't know, you got to know. Mama Africa wants to be free. Come on, Africa, Africa, Africa wants to be free. Mama Africa, Africa wants to be free. Jaja, on t'entend pas. Mama Africa, Africa want to be free. Un peu plus fort, comme ça, tout le monde. Comme ça, yes sir. h 32 dans nos studios, on était là en compagnie de Tikenja Fakoli, Africa, Africa Obi et Free. Il espère bien que l'Afrique sera un jour libre, n'est-ce pas Bruno? Bien sûr. Et où est-ce que nous nous rendons maintenant? Donc nous allons avoir en entretien Hashimo Maliki, qui est donc un doctorant, qui écrit sa thèse actuellement sur un sujet très intéressant donc de politique et qui touche pas mal à l'Afrique. Donc j'aimerais qu'il puisse nous présenter peut-être lui-même le sujet. Juste une minute, Bruno. J'aimerais juste porter à l'attention des auditrices et auditeurs au bout de fil de ne pas raccrocher, comme on l'a dit. Restez en ligne, amis auditrices et auditeurs. Nous allons vous prendre d'un moment à l'autre, puisque la technologie ne nous permet pas de vous prendre lorsqu'on est en ondes, comme tel est le cas présentement. Bruno. Donc, Hashimo Maliki, si oui. Vous voulez bien nous dire sur quoi vous travaillez actuellement, et puis ensuite on pourra passer aux différents points de notre entretien. Ok, merci beaucoup pour la question et surtout pour l'opportunité que vous m'avez donnée de parler un peu à cette émission. Et mon sujet de recherche ou ma préoccupation de recherche cadre avec les violences. Et plus précisément, je suis en train de réfléchir sur les violences qui sont liées aux ressources naturelles dans la région des Grands Lacs et aussi en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone. Donc, les violences liées aux ressources naturelles. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je sais que c'est un sujet, comme on l'a dit dans le jargon scientifique, multidimensionnel. Et on aura effectivement l'occasion d'en percer le mystère sur base de vos recherches. On y va, Bruno. Donc en fait, par rapport à l'aspect de violence, donc par rapport aux ressources naturelles, mon premier point, c'est quels sont selon vous les principaux enjeux de la violence politique au Congo et comment en fait elle se caractérise? Ok, les enjeux de la violence, c'est... Donc, les violences qui se remettent actuellement au Congo depuis au cours de la dernière décennie, parce que ça a commencé en 1996, mm-hmm. et surtout en 1998, ça cadre généralement avec les ressources naturelles. Donc, il y a une certaine volonté d'accéder au pouvoir, et si les gens veulent accéder au pouvoir, c'est effectivement pour accéder aux ressources dont regorge le pays. C'est sur cette question que peuvent s'inscrire les violences qui se mettent au Congo. Et quel était le deuxième aspect de la question? C'était comment cette violence se caractérise mm-hmm. ou se manifeste, je ne sais pas. Oui. Bon, alors, en ce qui concerne la manifestation de la violence, donc, à ce moment-là, nous allons parler de la violence physique, parce qu'il y a violence, il y a plusieurs conceptions de la violence. En ce qui concerne les violences physiques, elles se manifestent de trois façons, à mon avis. Il y a d'abord, si on considère la population dans son ensemble, ces violences se manifestent par le déplacement des populations et ce que cela entraîne. Donc il y a déplacement des populations qui quittent leur milieu naturel de vie pour se réfugier dans des pays étrangers. C'est une violence qu'ils sont en train de subir et aussi par des déplacements internes. Mais sur le plan concret, donc le deuxième aspect, c'est quand on regarde qui subit ces violences directement dans la chair. Parce que nous sommes dans le cas de la violence physique ou des violences physiques, selon. Alors, à ce moment-là, on peut voir les violences qui sont commises sur les femmes. On peut voir les violences qui sont commises sur les enfants. En ce qui concerne les violences qui sont commises sur les femmes, elles se manifestent de plusieurs façons. Il y a par exemple, vers les années 98, au début des violences proprement dites, quand on a commencé à les décrier, il y a eu des femmes qui ont été enterrées vivantes au Congo. Et il y a aussi des femmes qui ont été violées. Et après avoir été violées, elles ont subi des mutilations sexuelles. Et il y a une autre façon de manifester cette violence, c'est que les femmes sont prises pour des esclaves sexuels. Donc, elles deviennent des compagnons, pas avec le désir de ceux qui les enlèvent et qui les font travailler, non seulement les travaux sexuels, mais aussi les autres travaux domestiques. Et il y a aussi une autre façon de violence envers les jeunes, par exemple, c'est-à-dire que les enfants sont transformés en soldats, donc on les oblige à devenir des militaires, on les oblige à commettre des actes de violence, c'est-à-dire de tirer ou de fusiller leurs parents, on les oblige par exemple, à consommer du chanvre, on les oblige à ne pas aller à l'école, ou bien on les empêche de ne pas aller à l'école. C'est une aussi forme de manifestation de la violence. Et on exige, dans une certaine mesure, aux filles, par exemple, de coucher avec leur père. Voilà. Ça aussi, on oblige à ce qu'elles couchent avec leurs frères. Et vice-versa. Et parfois, on les couche en présence aussi de leurs parents et de leurs frères. Parents, oui. C'est de cette façon-là, un peu de mots que se manifestent les violences au Congo. D'accord. Donc en fait, pour poursuivre un peu, c'est quels sont les mécanismes à mettre en place pour la prévenir ou la diminuer cette violence? Ok, pour prévenir, bon, peut-être comme les violences continuent à se commettre jusqu'alors, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à arrêter cette violence? Parce que c'est possible d'arrêter les violences. Effectivement, ça va demander un processus très long parce qu'il y a déjà une certaine culture des violences qui s'est installée. Mais en ce qui concerne les violences qui se commettent actuellement, à mon avis, je pense que l'unique façon d'arriver à mettre fin à ces violences, c'est la punition. Si on arrive à avoir un système judiciaire qui punit les violences, qui cherche les acteurs de violences et qui les punit, je pense qu'on peut arriver à y mettre fin. Et cette question ne doit pas seulement être examinée au niveau national, ça doit aussi être examiné au niveau international, au niveau global. Par exemple, comme le cas de l'institution des cours pénales, telle que la Cour pénale internationale, ça, ce sont des mécanismes, des instruments qui peuvent aider à réduire la violence. Parce que ces violences, il faut voir qui commet ces violences. Alors, quand on regarde ceux qui commettent les violences, on voit qu'il faut une certaine action au niveau national et au niveau international. Au niveau international, pensez-vous que cela soit réellement possible? Tout est possible. Puisque nous prendrons l'exemple des États-Unis qui ne reconnaissent pas juridiquement la Cour pénale internationale, il n'y a aucun citoyen américain qui peut y être déféré. Et par conséquent, avec la volonté des États-Unis, certains pays mieux protégés par les mêmes États-Unis peuvent facilement échapper à cette juridiction. Oui, donc je ne pense pas que l'essentiel c'est mal la Cour pénale internationale. Ce n'est qu'un exemple, c'est un instrument. Tout à fait. Oui. Les problèmes là au niveau international, il faut voir dans la perspective de la volonté politique internationale. S'il y a une volonté politique d'y mettre fin, qu'il y ait une Cour ou non, on peut y mettre fin. Par exemple, si ceux qui financent ou ceux qui donnent des moyens à ceux qui commettent les crimes, les violences, s'ils disent non, la façon dont vous êtes tenté d'appliquer ce que nous vous avons demandé de faire pour atteindre un tel objectif n'est pas bon, ça peut s'arrêter. C'était effectivement ça mon point. C'était la volonté politique, comme vous le dites, que ce soit sur le plan national ou international. Puisque on peut avoir des cours, on peut avoir des tribunaux, ce sont des instruments les acteurs eux-mêmes n'ont aucune volonté manifeste de les faire fonctionner, ils ressembleront drôlement à des coquilles vides. Vous avez tout à fait raison. Ce sont des instruments qui ont besoin de l'énergie, et l'énergie, c'est la volonté politique, oui. Donc l'aspect important ici, en fait, pour résumer un peu, c'est qu'il faudrait mettre en place un système de justice véritablement indépendant et qui serait pas lié à aucun pouvoir d'aucune sorte et donc il serait en mesure d'appliquer donc une règle de justice, une règle de droit qui permettrait donc finalement que la violence diminue parce que l'impunité n'existera plus. Oui. Donc c'est ça, c'est-à-dire le mot-clé, c'est punir ceux qui commettent des violences. Oui. En tout cas, on peut prendre une courte pause, juste le temps de jouer nos publicités et qui constituent la source par excellence de notre financement. On retrouve nos auditeurs après cet intermède publicitaire. La Cité collégiale d'Ottawa répond à vos besoins pour accéder au marché du travail. C'est le seul collège de langue française de la région d'Ottawa et il offre plus de 80 programmes d'études. La majorité de ces programmes donnent la chance de faire des stages en milieu de travail. Vous venez de terminer vos études secondaires, vous voulez changer votre carrière ou vous êtes immigrante nouvellement arrivée? Faites votre demande d'admission dès septembre et courez la chance de gagner une bourse d'études de 1 000 $. Pour plus d'informations, composez le 613-742-2483, poste 2420. Vous voulez obtenir votre permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878. Jocelyn et Ninor est maintenant un agent CAM Transfer. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878. Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381. Le party le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 boulevard Grébert, à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim ont un tour du monde tropical à vous donner la chair. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compas, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 boulevard Grébert, à Gatineau. 7h44 minutes dans nos studios. Bruno, nous poursuivons avec notre invité. Hachimo Maliki, donc on en est au troisième point finalement. Mm-hmm. Est-ce que la violence politique au Congo est le résultat d'intérêts étrangers en opposition? Selon vous, qu'est-ce qu'il en est? Je pense que il y a beaucoup d'aspects des intérêts étrangers dans la violence. Parce que, certes, quand les gens poursuivent certains intérêts, ils doivent utiliser des individus ou des institutions. Et dans cet usage des individus, on donne une mission aux individus qu'ils doivent réaliser. Et cette réalisation peut exiger de recourir à la violence. C'est en cela qu'on peut dégager la responsabilité des intérêts étrangers dans la violence au Congo. Parce qu'il faut occuper des territoires, il faut accéder aux ressources, par conséquent, ils ont mis en place des stratégies, mais pour que ces stratégies se matérialisent, il a fallu, les gens ont recouru à la violence. Mais il y a aussi un certain dérapage, parce qu'on ne peut pas mettre totalement ça au compte de la volonté, d'une certaine volonté manifeste ou non manifeste de la communauté des intérêts étrangers, mais il y a aussi une part de responsabilité de ceux qui sont en train de commettre la violence. Parce qu'il y a par exemple, quand on considère les Maïmaï, par exemple, ce sont des gens qui y ont réagi à l'occupation. Mais en réagissant à l'occupation, ils sont par la suite devenus eux aussi des acteurs de la violence contre les populations qui sont censées protéger. Donc, vous voyez, donc peut-être comme effet, la responsabilité reste établie des intérêts étrangers. Mais comme dans l'action, il y a aussi une sorte de réponse ou des réactions de ceux qui sont censés lutter contre cette violence, qui commettent aussi de la violence. Et ça devient maintenant un peu complexe. Il y a une certaine complexité. Mais cela ne dégage en rien la responsabilité des intérêts étrangers dans les violences qui se mettent au Congo. Parce que quand on voit que ces violences sont commises même par des institutions internationales qui sont censées venir protéger les populations contre la violence. Parce qu'il y a même les éléments de l'ONU qui sont impliqués dans les violences qui sont commises au Congo. De toute façon, comment pensez-vous, en parlant effectivement de la situation dans l'est du Congo, en tant que chercheur, vous réagissez comment aux allégations selon lesquelles la mission des Nations Unies au Congo ne veut pas plier bagage, tout simplement parce que c'est certains des officiers de cette mission sont devenus aussi hommes d'affaires. Ok. Ouais. Et quitter le Congo, ça veut dire que ça mettrait un terme à leurs affaires qu'ils font sur terrain. C'est, dernièrement, il y avait, c'est en se référant à un article publié par le respectueux magazine britannique dénommé The Economist, qui parlait de certains officiers de la MONUC qui sont devenus automatiquement marchands d'or dans l'est de la République démocratique du Congo. Mmh. Ok, bien des rapports établissent que les soldats de la MONUC et certains responsables seraient impliqués dans le commerce des matières premières au Congo. Ça, c'est ce que ça dit. Mais quand on voit le fonctionnement de toute institution, quand on met en place une institution, les institutionnalistes disent que les institutions n'aiment jamais être remplacées. Elles ont une certaine perspective historique. Quand on met en place une institution, elle veut se pérenniser. Parce qu'à partir de sa mise en place, les acteurs de ces institutions ont intérêt. Ils peuvent avoir comme intérêt, par exemple, les gens de la MONUC, non seulement de faire le commerce des matières premières, c'est un intérêt réel auquel ils s'adonnent, mais le fait seulement de fonctionner comme institution de l'ONU, ça leur permet aussi d'avoir un revenu. Donc même sur le plan bureaucratique, ils ont intérêt à ce que ça persiste, parce que ça leur donne du travail. Aujourd'hui, si on met fin à 17 000 personnes, supposons, où est-ce qu'elles vont partir? Oui. Donc, quand on voit cette perspective-là de perdre un emploi, mais quand on voit aussi la perspective aussi l'autre possibilité dans un pays où il y a qui est en situation de guerre, où le pouvoir central ne peut pas se contrôler tout le territoire national, donc et on a la possibilité d'accéder facilement aux ressources naturelles qui sont rentables. Alors ces deux éléments donnent l'idée ou peut confirmer que la volonté de mettre fin à la MONUC ou même à la crise ne peut pas nécessairement enchanter les acteurs internes, c'est-à-dire ceux qui sont directement impliqués dans la MONUC. Bon, pas au niveau de ceux qui ont envoyé la MONUC, des acteurs, des militaires, des responsables, c'est vraiment une occasion pour eux de gagner leur pain de vie. Bien que cela peut entraîner des violences, peut entraîner des difficultés pour d'autres personnes. Ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Tout à fait. Bruno? Donc là, on va prendre un petit interlude musical et on vous revient avec la fin de l'entrevue. D'accord. Dunia isogoma chamani fajiri bena tele fitere bena kanu don kacho don luma bunyo gonfe fene. Telebefo manyuma ko teleko bane telebefo nitsadia teleko ben telebefo benalia teleko jambatu jambito bila ka sinila kodo. Thank you. 7h52 minutes dans nos studios. Bruno. Après Rokia Traoré, donc on va passer avec Monsieur Maliki au dernier point de l'entrevue. Donc c'est la section C'est vous qui le dites, c'est la tradition dans Afrique Plus. Ok. Donc la première question qu'on va vous poser, c'est par rapport au retard du continent. Quelles sont selon vous les causes de ce retard? Si vous aviez comme deux éléments par exemple à nous donner. Le retard du continent africain. Africain, oui. Retard. Retard en quoi? En démocratie, en développement, sur le plan économique. Okay, sur le plan économique et sur le plan politique. Sarkozy est allé plus loin pour dire que l'homme africain n'est toujours pas encore entré dans l'histoire. Ok. Bon, je vais peut-être répondre sur l'aspect retard sur le plan politique et sur le plan économique. Je pense que tout ce retard est inscrit dans l'histoire. À mon avis, dans l'histoire, d'abord parce que l'Afrique a commencé à exister comme pays, c'est-à-dire a été organisé sur le plan étatique après la colonisation. Donc c'est après le partage de l'Afrique, la colonisation et la pré-colonisation que les États ont commencé à exister. Donc les États africains, ce sont des États qui sont nouveaux, ce sont des États neufs et à ce niveau-là, il faut peut-être un certain temps pour que les gens arrivent à intérioriser certains éléments de fonctionnement de l'État et c'est cette intériorisation-là qui va permettre, donc qui va s'institutionnaliser et va permettre peut-être de faire marcher en avant. Et cela est valable aussi bien sur les plans économiques que sur les plans politiques. Parce que les structures actuellement, à ce moment-là, on est en train de juger l'Afrique sur les plans des structures importées, des structures de l'Occident. Par conséquent, il ne faut pas demander à l'Afrique d'être au même niveau que l'Occident qui applique ça depuis longtemps. Et pourtant, l'Afrique emprunte ce chemin. Donc, il faut du temps au temps. Et il y a aussi un autre aspect, peut-être. Quand on compare maintenant dans les processus, est-ce qu'on avance vite ou on n'avance pas? Et alors, à ce moment-là, on peut voir des responsabilités aussi sur les plans de l'Afrique. Donc, je pense qu'il y a une certaine responsabilité en ce qui concerne les dirigeants africains. C'est-à-dire que peut-être l'Afrique n'a pas encore réussi à avoir des dirigeants qui mettent au centre de leurs préoccupations le développement réel de leur pays. Les gens, sur le plan discursif, ils veulent que les pays avancent, mais quand ils sont sur les places, leur façon d'agir, leur comportement politique, leur façon de gérer, fait que les choses ne sont pas très bonnes pour l'Afrique. Bruno, on avance avec c'est vous qui les dites. Donc, selon vous, les intellectuels africains doivent-ils vivre sur le continent ou en dehors du continent? Je pense que la plupart d'intellectuels africains devraient vivre sur le continent africain. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en contact, ce sont des intellectuels africains. C'est-à-dire, ils doivent contribuer à l'avancement de leur société. D'où la nécessité d'être dans leur société pour savoir ce qui se passe et comment agir, comment ils peuvent y contribuer. Mais ils doivent aussi être à l'étranger parce que on ne peut pas évoluer sans savoir ce qui se fait ailleurs, sans échanger avec les autres. C'est pourquoi il y a aussi des intellectuels qui peuvent aussi vivre à l'étranger pour voir comment ça se fait et voir comment cela peut se répliquer chez eux. Donc, la dernière question donc, pour la tradition. Quelle solution préconisez-vous pour sortir l'Afrique de son état actuel? Si vous aviez, par exemple, deux éléments importants à donner. Je pense que pour sortir, il faut... Moi, je pense que tout tourne autour de la volonté politique. Si on peut arriver à une réelle volonté politique... Avoir des dirigeants qui mettent au centre de leurs préoccupations non pas leurs intérêts individuels, tribaux ou claniques, mais les intérêts nationaux, je pense que cela peut beaucoup aider. Et il y a aussi de la part des intellectuels de ne pas être seulement les porte-voix des dirigeants politiques qui les engagent. Parce qu'on sent qu'en Afrique, la plupart d'intellectuels, ils peuvent faire de bonnes recherches, mais sur le terrain, dès qu'ils accèdent au niveau de pouvoir, ils marchent à l'encontre des théories. Donc, il y a une certaine coupure épistémologique. Donc, si les intellectuels africains aussi peuvent s'organiser et prendre aussi en main leurs responsabilités, ils peuvent aussi contribuer à changer les choses. En tout cas, c'est très très très intéressant. Nous vous remercions d'abord beaucoup d'être venu à Afrique Plus pour partager ses connaissances avec les Africaines et Africains. C'est la première fois que vous venez à Afrique Plus. Oui, je ne savais même pas qu'Afrique Plus existait. Il y a seulement trois jours que j'ai su qu'Afrique Plus existait quand Bruno m'en a parlé. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois d'être tout ici. À fait. Tout à fait. Serai... C'est ce que je voulais vous dire. C'est la première fois. Ce n'est pas la dernière. On aura l'occasion de se retrouver encore dans nos studios pour parler de cette Afrique qui... De prime abord, suscite le mépris, mais en réalité, il est très intéressant. Elle intéresse beaucoup, beaucoup d'intérêts étrangers ou encore impérialistes, comme on le disait à l'époque, tout en étant méprisable ou encore méprisante, comme on l'a dit. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez donnée. Et je pense que l'Afrique doit essayer de se réhabiliter elle-même. Donc, un grand effort doit être au niveau de l'Afrique et des Africains pour que l'Afrique essaie. Vous voyez, nous avons vu les événements hier en Chine, comment la Chine est en train de faire son marketing. Donc, il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, avant que même avant 90, les gens ne s'imaginaient pas que la Chine serait aujourd'hui ce qu'elle est. Je ne dis pas que l'Afrique le sera tout de suite, mais si les Africains et l'Afrique essaient de prendre la décision et de mettre en place des stratégies pour se valoriser, elle sera respectée, sera considérée, mais la responsabilité leur incombe. Et tous les médias occidentaux sont unanimes pour dire que c'est une grande première dans les annales des Jeux Olympiques. Ouais. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ils disent que les Chinois ont mis les gros moyens. Effectivement. Effectivement. C'est comme ça qu'espérons que l'Afrique aussi arrivera aussi à étonner un jour. On est optimiste. Le premier rendez-vous, c'est dans pas très longtemps avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ok, merci. En tout cas, Bruno, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs en guise de mot de la fin pour Afrique Plus? Merci de nous avoir suivis encore cette semaine et j'espère que vous allez nous donner des nouvelles très bientôt dans info@afriqueplus.net. En tout cas, une fois encore, merci beaucoup d'être venu à Ici l'Afrique. Merci Mike et Bruno. Aujourd'hui, nous avions donc Hashimo Malikou pour parler de la situation de l'Afrique par rapport à la violence. Merci à vous, professeur, et à la semaine prochaine, chers auditeurs.